Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Elle était entrée dans la résistance à 17 ans durant la Seconde Guerre mondiale. Puis devenue journaliste, correspondante de guerre, toujours désireuse de témoigner et d'épouser la cause des peuples luttant pour leur liberté, elle avait couvert la guerre en Indochine, puis en Algérie. Elle allait alors rejoindre les maquis vietnamiens, lorsque les États-Unis étaient intervenus à leur tour pour pacifier la région. Souvent en duo avec un journaliste australien, Madeleine Riffaut allait plonger dans l'inconnu, dans la guerre, dans la jungle, et rendre compte des actions de l'Amérique, la plus grande puissance militaire mondiale, et découvrir aussi un jour qu'elle pouvait, elle, Madeleine Riffaut, traverser un fleuve, elle qui ne savait pas nager, ou que le souvenir de la baignoire que les Allemands lui avaient fait subir 20 ans plus tôt oppressait. Dans Les Maquis Vietcong, sixième volet de la série Madeleine Riffaut, La mémoire sauve, par Ludovic Cellier, réalisation Marie-Christine Clauset, première diffusion sur France Culture, 9 août 1993. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. À peine remise de l'attentat perpétré contre elle par l'OAS, à quelques jours de l'indépendance algérienne, Madeleine Riffaut est déjà sur le départ. C'est plus fort qu'elle, le Vietnam l'envahit de nouveau. Depuis la résistance française à l'occupation allemande, Madeleine Riffaut n'a pas cessé d'être une femme en guerre, une voix dans la guerre au service de ceux qui sont silence. Depuis sa rencontre avec Ho Chi Minh en 1946 à Fontainebleau, depuis cette année 1955, qu'elle passe en poste à Hanoï, elle n'oublie pas le peuple vietnamien et sa lutte pour l'indépendance. Nous sommes en 1964 et Madeleine Riffaut ne peut se contenter alors d'assister, impuissante, au désastre que préparent les Américains. Avec Wilfred Burchett, un journaliste australien qu'elle a rencontré en 1955 à Hanoï, Madeleine Riffaut décide de rejoindre les maquis du Sud-Vietnam. Professionnellement, ils ne se quitteront pas de tout le conflit vietnamien. Burchett et Riffaut, Riffaut et Burchett, c'était un peu, au dire des témoins de l'époque, Bonnie and Clyde. Saint-Ex disait, comme je dirais pour Burchett, quand un camarade meurt ainsi, sa mort paraît encore un acte qui est dans l'ordre du métier. Et tout d'abord, blesse peut-être moins qu'une autre mort. Nous avons en effet l'habitude d'attendre longtemps les rencontres, car ils sont dispersés dans le monde, les camarades de ligne. De Paris à Santiago du Chili, isolés un peu comme des sentinelles qui ne se parleraient guère. Et si nous croisons leur chemin, ils nous secouent par les épaules avec de belles flambées de joie. Bien sûr, nous avons l'habitude d'attendre. Mais peu à peu, nous découvrons que le rire clair de celui-là, nous ne l'entendrons plus jamais. Nous découvrons que ce jardin-là nous est interdit pour toujours. Alors commence notre deuil véritable. Rien, jamais, en effet, ne remplacera le compagnon perdu. On ne se crée point de vieux camarades. Rien ne vaut le trésor de tant de souvenirs communs. de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements du cœur. On ne reconstruit pas ces amitiés-là. Il est vain, si l'on plante un chêne, d'espérer s'abriter bientôt sous son feuillage. Ça, c'est du syntaxe, mais Burchett, c'était ça. Il était comme ça. Et donc, vous le retrouvez ? Alors, Burchett m'a contacté et m'a dit « Je vais tourner un film au Vietnam. J'emporte tout. Il faut tout emporter. Et nous donnons rendez-vous d'abord en Suisse, puis au Cambodge. Si tu veux, tu pourras m'aider et faire ton reportage de ton côté. Nous ne serons pas de trop d'être deux, quoi. » Alors, vous partez ? Alors, je pars, oui. Et une nuit, alors je vous passe les détails du voyage, parce que, et même les conversations que nous avons eues en présence de Roger Pic, d'ailleurs, qui m'avait accompagné jusqu'à Genève, et qui devait monter le film qui ensuite est passé à 5 ans à la une. Alors on avait les conversations pour billets d'avion, parce qu'il fallait aller au Cambodge. Alors Burchett disait, ah non, pas par cette ligne-là, moi je peux pas passer par Bangkok, je me fais descendre. Ah, je dis, bah, bon, bah écoute, mais non, on va prendre cette ligne là, tu vois. Alors là, on change à Téhéran. Ah, je dis, non, pas à Téhéran. Moi, j'ai été reconduite à la frontière par la police du chat. Je vais pas passer par Téhéran. Sinon, c'est la mort. Enfin, finalement, on a trouvé une ligne qui passait par Prague. On a crapahuté terrible dans le ciel pour aller jusque là-bas. Enfin, on est allé faire des amabilités, chacun de son côté, à l'ambassade du Cambodge, en disant qu'on souhaitait infiniment assister aux glorieuses fêtes qui auraient lieu pour Sandek Sihanouk, le prince bien-aimé, pour la fête des 10 premières années de liberté du Cambodge, qui ont eu lieu en décembre 1964. Et le Cambodge étant limitrophe du Vietnam, nous pensions, bien entendu, violer ses frontières, mais nous n'avions d'indication à donner à personne. Et personne dans nos journaux respectifs n'était au courant, sauf le directeur, et c'est tout. Alors, fort d'une première expérience de Burchett sur les lieux, nous n'emportions avec nous que l'essentiel. C'est-à-dire notre matériel pour tourner le film. Caméra, pellicule, papier, crayon, machine à écrire, tout, rien d'autre. C'est-à-dire que, de même que le peuple sud-vietnamien, après les accords de Genève, s'était trouvé pauvre parmi les pauvres, nous-mêmes, nous acceptions de nous confier totalement à ce peuple qui avait autorisé notre démarche, mais sans aucune protection. Les gens dans les salles de rédaction parisiennes ou autres, se soucient assez peu de cette histoire entre 55 et 60, parce que ne parvenait rien que de vagues dépêches, vagues images de Saïgon ou... Au plus, il y avait quelques images de survol, de campagne, de forêt, avec le doré de la rizière et le rouge, le blanc du napalm et du phosphore sur les forêts. Mais ça en restait là et on disait des dirigeants du Front National Libération qui s'étaient constitués des 60 avec tous les dignitaires religieux et tous les partis politiques dirigés par Nguyen Au Tho. On disait de ces personnes, ce sont des hommes sans visage. Et ces visages, nous les avons vus, nous avons filmé, nous les avons rencontrés. Bon, mais on n'en parlait pas, sauf pour dire peut-être le Nord a envahi le Sud. Ben oui, ben, c'était complètement débile de dire ça, même du point de vue américain, parce que quand on pense que les premières jacqueries ont toujours commencé au Sud, et justement le début de l'offensive de la population sud-vietnamienne, on peut le dater de 59 par là. Il a commencé dans les zones les plus éloignées du 17e parallèle, qui avait été, contrairement aux accords de Genève, transformé en une véritable frontière impénétrable. Donc largement au sud de Saïgon. Ah oui, tout à fait, Bentray, quoi, à la pointe de la Cochinchine, quoi. Donc, il est évident que si ça avait été fomenté par Hanoï, ils auraient été ailleurs. Bon, de toute manière, il y avait plus d'hommes. Alors, c'était nous d'ailleurs, nous avons été dans la stupeur de voir quand nous étions sur place, d'entendre les gens parler et de nous rendre compte à quel point le peuple du Sud-Vietnam avait été dans son attitude patiente et endurant les souffrances horribles qui lui étaient faites, respectueuse quant à elle des accords de Genève et répondant aux consignes qui pouvaient arriver d'Hanoï par des voies difficiles, parce qu'il fallait au moins passer 3 mois à marcher à pied pour aller à Hanoï, à Saigon, à cette époque, hein, à travers la chaîne anamitique. Et les consignes qui leur étaient données, c'était toujours « Tenez-vous tranquille, ne brisez pas les accords de Genève ». Bon, donc, ils ont pris aucune mesure de riposte. Et puis, au bout de nous n'avons pas pu... dans notre enquête, savoir qui avait commencé, à quel moment, à quelle date. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où des communautés entières, des villages entiers étant exterminés, je me rappelle des petites localités comme Fouyenne, par exemple, Fouyenne, où il y avait 109 pénitenciers dans la commune. C'est vous dire, tout le monde est en taule. Bon, alors, de toute façon, au point où ils en étaient, menacés d'être exterminés, ils ont pris les armes de la colère. Mais, attention, ils n'ont pas pris des armes offensives. Ils ont pris des armes défensives, afin de ne pas rompre les accords de Genève, quant à eux. Il n'y a qu'à partir de 64, par là. Mais même encore, quand nous étions là-bas, nous avons été stupéfiés de la pauvreté avec laquelle ils avaient commencé la guerre, et aussi émerveillés de la manière dont les paysans, pratiquant la guérilla comme leurs ancêtres, avec aucune arme, aucune armée, une résistance faite par des vieux, par des femmes, par des enfants, avait réussi à mettre en échec la plus grande puissance américaine du monde, qui n'était pas encore engagée autant qu'elle l'a été par la suite, mais qui déjà était engagée dans la guerre spéciale, qui était en échec au moment où nous sommes arrivés. C'était la charnière entre la guerre spéciale qui avait échoué et la guerre... tout court, enfin, l'escalade sur Nord-Vietnam qui commençait avec les premiers bombardements du Nord. Et nous étions à cette charnière-là. Justement, Madame Riffaud, c'est effectivement en 64 que commencent les bombardements américains. C'est ça. Sur Alors, le c'est Vietnam. D'ailleurs pour ça que nous avons choisi d'aller là-bas à ce moment-là. Et vous arrivez, comme vous nous l'expliquiez préalablement, vous arrivez à Phnom Penh, au Cambodge, pour les fêtes du 10e anniversaire de l'indépendance du Cambodge. Voilà. Alors, nous, à vrai dire, nous pensions passer tout de suite. Et je peux dire maintenant que nous avons eu beaucoup d'ennuis. Les patriotes vietnamiens aussi d'ailleurs, infiniment plus. Car quand nous sommes arrivés, il venait d'y avoir 13 typhons consécutifs qui avaient noyé les points de passage sous 3 mètres d'eau et qui avaient noyé pas mal de gens aussi. Et bon, donc il n'était pas possible de passer. On nous a donc demandé notre liaison clandestine à Phnom Penh, nous a dit de nous montrer et de rester le plus possible avec les confrères américains, français et autres qui étaient là dans le Cambodge, qui à l'époque était un petit royaume bouddhiste, pacifique et neutre, très beau d'ailleurs, très calme. Et nous avons assisté à la fête des eaux, nous avons assisté à toute la célébration. Il y avait Jean Lacouture, là, je me souviens, qui était un peu étonné, Jean Lacouture, quand il a vu que je ne rentrais pas avec lui à Paris. Oh, je dis, moi, j'ai envie de prendre des vacances, quoi, un petit peu de vacances. Les Américains, à ce moment-là, ayant eu la malencontreuse idée de bombarder la frontière du Cambodge et de faire une fois de plus des incursions dans ce pays qui ne faisait rien, mais qui était limitrophe des zones libérées Vietcong, avaient blessé dans un village très gravement la population par un bombardement au napalm. Alors nous avons demandé tout de suite au prince si nous pouvions nous y rendre pour nos journaux. Ainsi fut fait, l'armée mit des hélicoptères à notre disposition et j'ai encore des photos avec Lacouture et Burchett. Nous étions en train de photographier notamment une petite fille dont je me souviens très très bien parce qu'elle était habillée pas comme les petites filles sud-vietnamiennes, quoi. Elle avait le sarong que portent les Cambodgiennes. On ne pouvait pas se tromper parce que les Américains n'auraient pas dû pouvoir se tromper parce que les villages cambodgiens sont bâtis sur pilotis. Pas les villages vietnamiens. Et les vêtements des gens ne sont pas de même non plus. Là, c'était vraiment un village cambodgien. Nous avons pris des photos. Et le prince nous avait félicités, quoi. Puis finalement, Burchett et moi, nous sommes restés un peu plus que les autres, évidemment. Nous commencions à être un petit peu... Burchett en expliquant que pour une fois qu'il était sans sa femme et avec vous, tout oui, irait mieux. Bien sûr, ce sont les aventures des journalistes. Il fallait donner une explication à notre présence là, alors que tous les autres étaient partis et que déjà le bruit commençait à courir dans les milieux américains de la capitale, parce qu'il y avait des Américains de la CIA qui étaient là, dont l'un que je verrai toute ma vie, parce que je revois toujours la tache de vin qu'il avait au bras et son visage style troisième homme de film. Et il se disait professeur à Saïgon et tous les soirs il venait nous casser les oreilles en nous disant « Je suis partisan de la paix, vous savez, monsieur Burchett, c'est affreux, cette guerre qui va commencer, qu'est-ce que vous pensez ?» Et nous en parlions vaguement, enfin, et à tel point que nous avons décidé d'aller nous promener encore, de visiter les temples, et voilà, on est allé. Et Burchett a été obligé de dire qu'il était amoureux de moi, parce que sinon c'était impossible d'expliquer pourquoi nous étions là. Il a dit au prince Yanou que pour une fois qu'il était sans son épouse et qu'il avait la chance de se trouver avec une gentille petite... J'avais tout juste 40 ans, j'étais en effet assez mignonne, et... Ce vieux Burchett, ce vieux cochon, a dit à Sianouk qu'il s'apprêtait à avoir une aventure avec moi, qu'il espérait me faire craquer en me montrant les beautés de la civilisation cambodgienne. Et le prince l'avait vivement encouragé dans ce projet, si bien que nous fûmes là-bas, et c'est de là-bas que nous sommes partis d'ailleurs sans payer de l'hôtel Royal, de l'hôtel... Une nuit, on a plongé... destination jungle, et nous avons récupéré notre passeur à l'heure, et cette plongée dans l'inconnu, quoi, c'était une plongée dans la jungle, une plongée dans la guerre, c'est en même temps une plongée dans la jungle et pas la petite jungle pour s'amuser, hein. C'est la jungle aux trois tigres. La jungle de tigres, il y avait à cette époque encore... si vous avez vu 317e section, le film de Schindler, c'était ça. On progressait dans l'eau jusqu'à l'estomac. Dans la nuit, j'ai senti tout de suite l'odeur caractéristique de la jungle, très humide, végétale, un peu suspecte, un peu pourrie, un peu... Enfin, et... J'avais peur un peu, je me sentais étouffée par ces 35 mètres de haut de végétation qui nous cachait les étoiles. D'ailleurs, j'ai toujours eu des envies d'étoiles pendant que j'étais là-bas, parce que les produits chimiques n'avaient pas encore totalement défolié cet endroit, comme ce fut le cas par la suite. Et une unité de reconnaissance nous a pris la main et nous passions entre des postes... cambodgien, puis des postes sud-vietnamiens, et nous ne devions ni parler ni fumer faire le moins de bruit possible. Et une petite main avait saisi la mienne et la serrait très fort. Et elle devait connaître bien la forêt, cette petite main, parce que à un moment, elle m'a mis sur la tête un casque de latanier et m'a fait me pencher juste à un moment où il y avait des épines qui griffaient comme un dragon. Et le jour s'est levé, on avait marché très longtemps. Moi, j'avais été piquée par un scorpion. Petite histoire encore. Et finalement, nous savions que nous étions sur le théâtre des opérations, comme on dit, puisqu'on entendait tirer les canons. Et tout à coup, le jour s'est levé. Nous étions loin des zones à risque de la part du Cambodge, quoi, dont nous avions violé allègrement les frontières. Et nous sommes assis et nous avons fumé la première cigarette. Cigarette de tabac de Tainin, qui est du tabac noir et qui a un goût tout à fait particulier quand il est humide, que j'oublierai jamais. Et j'ai vu que dans cette équipe qui nous rejoignait et qui nous quittait à la fois, parce que l'équipe qui nous avait pris dans la nuit et nous avait convoyés à tel endroit avait toujours ignoré qui nous étions. On leur avait dit, vous allez convoyer deux étrangers d'un point à un autre. Mais on n'avait pas dit que l'un des étrangers était une femme. Si bien que, stupeur des jeunes maquisards de me voir, et stupeur de ma part aussi, car la petite main, il y en a, c'était pas une main de femme, c'était la main d'un garçon de 17 ans, vietnamien, qui tenait ma machine à écrire de la main droite, qui m'avait tenue de la main gauche si affectueusement toute la nuit, en croyant qu'il serait la main d'un jeune homme comme lui. Et pour la première fois, j'entendais éclater le rire sud-vietnamien communicatif, optimiste, qui, ce rire absolument contagieux, qui n'a jamais cessé de nous poursuivre tout le temps de notre reportage dans les pires moments. Car ça y est, Madeleine Riffaut, vous y on êtes. On était arrivés, oui. Guyen Dinti, l'étoile. L'étoile, à qui pense-t-elle qui scintille, éclairant la route du soldat sur le col du nuage? Le feu, à qui pense-t-il qui rougeoie dans la nuit froide, réchauffant le cœur du soldat sous les voûtes de 1000 arbres? Je t'aime, comme j'aime nos terres et nos eaux, qui peinent, souffrent et rayonne. Je pense à toi chaque pas sur la route, chaque nuit que je dors, chaque bouchée que je mange. L'étoile dans la nuit jamais ne s'éteint. Nous nous aimons et combattons toute la vie. Le feu dans la forêt palpite, rouge, ardent. Nous nous aimons. Nous sommes fiers d'être des hommes. Arriver, mais il fallait arriver tous les jours parce que la guérilla. Vous savez d'ailleurs ce que ça veut dire le mot Vietcong? Rouge, Viet rouge. Non, ça veut dire communiste vietnamien. Ça veut dire les cocos. Comme on dirait chez nous, les cocos, quoi. C'est des cocos, quoi. C'était un hommage du vice à la vertu, si vous voulez, parce que tous les patriotes étaient appelés Vietcong. Et vous savez que le siège du courage pour le Vietnam, le Cambodge aussi, n'est pas situé dans le cœur. On ne dit pas « Rodrigue, as-tu du cœur ?» On dit « Rodrigue, as-tu du foie ?» C'est dans le foie que réside le courage du guerrier. Et c'est atroce à dire, mais j'ai pourtant des coupures de presse chez moi, je peux vous le montrer. Le cours en piastre quoi, du foie Vietcong était coté, car les soudards trouvaient une joie particulière à se saouler en mettant dans leur whisky un peu de fiel de Vietcong. Mais ça coûtait très cher, hein, et ça avait son cours. Et même un journal de Saïgon, très gouvernemental, avait dénoncé le fait, non pas en lui-même, mais le fait qu'un chef de district avait demandé trop cher, quoi. C'est, bon, enfin, voilà. Madame Rifaut, nous arrivons dans les maquis Viet Cong. Vous nous avez parlé de Renner, celle que vous étiez pendant la résistance. Il y a longtemps qu'elle était enterrée, celle-là. Vous nous avez parlé de Madeleine, celle qui signait ses articles, et vous nous parlerez bientôt de Marthe, l'infirmière de l'âge de la nuit. Et puis vous oubliez souvent de parler de Titam. Titam, oui. La huitième sœur. La huitième sœur, c'est le nom que m'avaient donné les Vietnamiens pour me désigner entre eux. Alors, quand nous sommes arrivés avec Wilfred dans les zones libérées, donc c'était, comme je vous l'ai dit, au moment où la guerre spéciale était terminée, c'est-à-dire que nous avions deux alliés, enfin, ou trois alliés, si vous voulez. Le premier allié, c'était la nuit. Une nuit totale de 12 heures sur 24, pendant laquelle nous pouvions nous déplacer, parce que la guérilla est affaire de mouvement. Deuxièmement, nous avions comme alliés le peuple. Et avant, j'aurais dû dire la forêt, parce que la forêt couvrait à ce moment-là les deux tiers du territoire du Sud-Vietnam. Et donc, nous étions très difficilement repérables par l'aviation, étant donné que nous avions encore 35 mètres de verdure au-dessus de nous, quoi. Les fromagers faisaient environ 35 mètres. Et les bombes explosaient au fait des fromagers. Et bon, il y avait eu déjà des défoliants, mais tout de même, des lianes sur tant d'épaisseur, plus les abris creusés, car jamais aucune terre n'était creusée comme celle du Vietnam, nous étions en relative sécurité. Et en plus, nous avions le peuple. Pourquoi le peuple ? Nous qui avions pris tant de précautions pour passer, ne faire prendre personne, parce que il faut toujours faire très attention quand on est journaliste de ne pas, pour faire un scoop, faire prendre quelqu'un. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de soucis de cela. Et quand on s'engage pour un scoop, il ne faut pas provoquer un bombardement sur les gens. Enfin, Dieu merci, ça n'a pas été le cas, jamais. Mais si vous m'interrogez là-dessus, je vous dirais que ça a failli être le cas au Nord-Vietnam, venant de moi pour une photo. Et ça, je ne le serais jamais pardonné s'il y avait eu des morts. Bon, enfin, donc, le peuple, parce que le Front de Libération Nationale avait cru pouvoir annoncer sur les ondes de Radio Libération émettant du fond de la forêt, sous terre, notre arrivée. Nous venons d'accueillir deux étrangers, un Australien, une Française, qui viennent nous visiter. C'était l'événement de la saison, c'était la grande histoire pour le peuple vietnamien, et aussi pour les Américains, et pour leurs acolytes, parce que c'était prendre un risque calculé énorme, parce qu'enfin, tout était tenté par les adversaires du Vietnam pour que deux journalistes amoureux fous de leur métier le fassent jusqu'au bout en rapportant leurs bobines. Ça, c'est le jeu, hein. Bon. Donc, nous avons passé quand même 8 jours que Burchett, qui s'y connaissait mieux que moi, puisqu'il était entre autres en Corée, et il a été le premier journaliste à aller à Hiroshima. Enfin, c'est un type qui a toujours fait la guerre, qui n'a jamais tiré un coup de feu, contrairement à moi. Bon. Dans ces 8 jours que vous dans avez ces 8 jours, il a dit de ces 8 jours qu'ils étaient les plus chauds de toute sa vie de correspondant de guerre. Alors, s'il a dit ça, je pense que je peux le dire aussi. Par exemple, la nuit de Noël, où nous étions en progression vers vers Saïgon, parce que il faut vous dire que à ce moment-là, la guerre spéciale ayant échoué, les postes du Sud-Vietnam, sud-vietnamien et américain étaient encerclés par d'immenses étendues de campagnes libérées, où les Américains ne pouvaient pas du tout pénétrer. Autrement qu'en bombardant du haut du ciel. Et alors, les deux tiers du Vietnam étaient libérés, si bien que même le plan Stanley Taylor, je crois qu'il s'appelait ainsi à ce moment-là, ne prévoyait plus pour cette année-là que la préservation, quoi, de Saïgon et des deux ou trois provinces qui étaient autour. Alors, nous, bons journalistes que nous étions, nous avions l'intention de tout voir, et de voir le plus possible, et de filmer le plus possible. C'est pourquoi c'était assez dangereux. Et l'homme à la tâche de Litvin, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait probablement quand même subodoré vers quelle période du mois nous étions passés. Et les Piper Cup, enfin les avions d'observation qui tournoyaient sans cesse autour de nous, avaient certainement vu un déplacement de troupes et quelque chose d'un peu anormal à un certain endroit du côté de Tainin. Et ils avaient décidé de mettre fin prématurément à notre carrière de journaliste. Donc un soir, par exemple, le soir de Noël, nous arrêtons au bord d'un... dans une avancée de jungle où il était totalement déserte, il n'y avait rien, personne, une petite unité nous convoyait, nous n'avions pas encore rencontré les dirigeants de la révolution. Et le chef de l'unité fait immédiatement creuser sous nos hamacs un trou. Et moi, qui parle souvent pour dire des conneries, je lui dis... Enfin, monsieur, c'est pas la peine pour une nuit de esquinter ces pauvres soldats-là. Et il me dit, plus de sueur, moins de sang. Et il va se coucher. Une heure après, trois avions de type B-26, je crois, alors que nous dormions profondément, ont bombardé ce coin de jungle avec précision, puisque le premier cratère était à peine à 200 mètres. Et nous avons roulé, j'ai roulé du hamac dans le trou avant même d'être réveillé. Et il n'y a eu aucun tué dans notre unité. Pourtant, ce bombardement avait quand même fait un mort, parce qu'il y avait une quinzaine de villageois qui avaient eu leur village détruit dans la campagne et qui s'étaient repliés récemment dans ce coin de jungle. Et malheureusement, un kilomètre plus loin, nous avons vu un petit gardien de buffle qui, aux premières heures du matin, où avait lieu le bombardement, était sorti avec son buffle pour lui donner à manger, et qu'il avait été tué par ce bombardement qui n'avait visé que nous. Et il ne restait plus que son visage rond et la petite fronde pour tuer les oiseaux que tous les bergers ont au cou. Et le buffle aussi était mort. Et en cet instant, premier de notre arrivée, ni Burchett ni moi n'avons eu le réflexe de sortir notre appareil photo. Nous sommes tués. Et nous avons repris notre route. Dans le même temps, captant les radios occidentales, nous entendions sur nos transistors que les Américains étaient au Vietnam contre le communisme et pour l'idéal chrétien. Ce petit mort de Noël a été le premier que j'ai vu. C'est pourquoi je me souviendrai toujours de lui. Surtout qu'il a été tué en somme à cause de nous. Les oiseaux ont commenté pendant longtemps l'événement. Il y avait beaucoup d'oiseaux dans la forêt et il y avait beaucoup de gibbons. Et moi qui faisais non seulement mon reportage, mais en plus pour le film que Burchett tournait, caméra au point, et pour lequel nous avions embauché deux copains caméramans de l'armée de libération, on avait besoin de son. Alors moi, j'étais la préposée au son. Alors là, j'enregistrais les... Nagra sur l'épaule. Oui, c'est ça. Alors là, bon, il y a eu ça. Et puis, le lendemain, nous étions avec toujours notre petite unité. Et il y a eu une attaque avec des chars amphibies, des hélicoptères et canonnades des postes voisins. Dans l'endroit où nous devions nécessairement passer. Mais heureusement pour nous, les deux copains, les deux petits gars de l'unité de reconnaissance suivaient nos agresseurs, en riant beaucoup d'ailleurs, paraît-il, parce que ils nous ont évités de justesse. Nos suiveurs étaient suivis, quoi. Alors, comme disait un vieux sud-vietnamien, de toute façon, eux, ils ont les avions, eux, ils ont les hélicoptères, eux, ils ont les bateaux à moteur, nous, on n'a rien. Mais de toute façon, on sera toujours les premiers, parce que nous, on est chez nous. vous raconter l'histoire d'un petit vieux. Je vous disais souvent, enfin, il faut chercher longtemps quand on est journaliste pour trouver quelqu'un qui vous raconte une histoire marrante. Et si vous voulez, je vous raconte l'histoire de celui à qui, moi, j'ai donné le premier prix du Guerriero. Ouais, mais bon, allez-y, on veut. Je n'ai pas été suivi par les compatriotes de ce monsieur. Un jour, qui pour une fois avait été sans histoire, nous prenions le thé devant une paillote. Et il y a un vieux monsieur qui était là et qui m'a raconté l'histoire suivante. Et il m'a dit, ah, vous savez, moi, quand Ziem était au pouvoir, là, j'avais tout mon temps. Mon fils, il était regroupé au nord. Ma bru, elle était à Poulo Condor. Le pénitencier. Ouais. La terre, il me l'avait prise. Quand on vous a fait beaucoup souffrir, on trouve. J'étais un vieux monsieur sans force. Il y avait un petit groupe de guerriers bien mal armés. Quand ils essayaient d'attaquer le poste voisin, ils avaient des armes en bois, en tronc de bananier, des fausses armes sculptées. Un seul fut authentique. Alors moi, j'observe tout. Et je vois le poste ennemi, quoi, d'où nous venaient tous nos ennuis, où il y avait une cinquantaine de Sud-Vietnamiens, puis de 3-4 Américains. Et je vois que comme il fait chaud, ils ont l'habitude, quand ils marchent dans la cour du poste, d'enlever leurs chaussures, ils marchent pieds nus, pour être plus à l'aise. Moi, j'ai une idée. Alors je prends des haricots, je les fais tremper dans l'eau. Et puis, je cherche dans les affaires à ma fille, je trouve des aiguilles à coudre. Alors, je prends mes haricots, je les traverse avec des aiguilles à coudre, comme un oursin, comme, hein, que ça tombe n'importe quel côté, ça pique toujours. Je les mets au soleil à sécher. Et puis, quand c'est bien sec, bien dur, je prends des fruits dans mon jardin. Je vais voir le chef de poste, je lui fais des lies, des salutations de respect. Et je lui dis, monsieur le chef de poste, je vous fais ma soumission et daignez accepter ces fruits de mon jardin. L'autre, il accepte. Moi, en m'en allant, je sème mes haricots dans la cour. Deux jours après, je vois qu'il y avait pas mal qui clopinait dans la cour. Il s'était fait enfiler les... Vous savez, chez nous, vous savez ce que c'est, la moindre plaie s'infecte. Et j'ai attendu un peu de temps pour pas qu'on fasse le lien avec ma présence. Et puis, j'ai réfléchi que je pouvais faire mieux. Je suis allée dans la forêt, puis j'ai cherché un serpent, mais bien venimeux. J'ai rapporté et mis dans une bouteille, avec du sel, au soleil. Mais j'ai oublié de vous dire que j'avais mis d'abord mes haricots transpercés d'aiguilles avec le serpent. Et je l'ai mis au soleil, tout ça. Et puis, ça pourrit. Enfin, bon. Et j'ai sorti mes armes, mes haricots, et j'ai recommencé avec les fruits du jardin. Mais cette fois, les aiguilles, elles étaient empoisonnées. Le lendemain, il y avait le tiers... ou plus, des soldats qui étaient envoyés à l'hôpital du district. Et j'ai prévenu le chef des copains des guerriers, là, que c'était bien le moment de faire un coup. Alors c'est comme ça qu'ils ont pris leur premier bazooka et leurs premières armes. Et avec celle-là, ils en ont pris d'autres. Et puis c'est comme ça qu'on va jusqu'au canon. Enfin, le meilleur pourvoyeur d'armes du FLN, moi je dis, c'est l'armée américaine. Et puis ensuite, nous sommes mis à faire le catalogue des armes de dissuasion des villageois vietnamiens qu'ils avaient employées dans les premiers temps de terreur que j'ai décrit tout à l'heure. Ils avaient au moment... Mais j'étais dans la stupeur, et Burchett aussi, de partout où nous allions... de les entendre discuter vraiment à perte de vue sur est-ce que telle arme est défensive ou offensive. parce qu'ils avaient perfectionné. Il y avait des conférences de guérilleros auxquelles nous avons assisté d'ailleurs, des guérilleros qui venaient du patelin tout entier pour partager leurs expériences. Ils avaient perfectionné les fosses à pic. Ils avaient. C'était inspiré des tribus Jaraï et Radé qui étaient dans les minorités nationales des Hauts Plateaux, qui nous ont donné souvent l'hospitalité, qui étaient des gens que je n'oublierai jamais, et qui piégeaient les grands fauves avec des fosses à pic. Le bambou était victorieux de l'acier, quoi. Hein. Le bambou, c'est très dur, surtout certaines variétés de bambou sont très coupants, croyez-moi. Et alors, il y avait de multitudes d'armes défensives qui étaient des fosses, comme pour prendre des tigres, qui étaient piquées de bambou, pointant vers le ciel, et soigneusement recouvertes par des feuilles, un tapis d'herbe qui avait été découpé, puis préalablement, puis remis à l'endroit. Et combien de fois, en allant visiter un village, nous-mêmes, Perchette et moi, on avait beau nous dire, mais marchez dans les pas de celui qui vous précède. Mais, vous savez ce que c'est qu'un journaliste ? Nous, quelquefois, on s'écartait d'un mètre pour prendre une photo, et une main amie nous rattrapait à temps, sinon nous tombions dans la fosse à pic. Alors il y avait des fosses assez grandes pour embrocher plusieurs personnes, donc il y avait tout simplement pour transpercer un seul pied, même chaussé d'un patogaz solide. Et il y avait ce que nous avions appelé, Burchette et moi, la tendrisseur de Biftec. C'était une je ne sais comment vous raconter cela, c'était pas si drôle, mais c'était les armes de la douleur que les gens avaient employées quand ils étaient si malheureux qu'ils n'avaient plus d'hommes, plus personne pour les aider, plus d'armes, rien. C'était un gros billot, un gros tronc d'arbre, dans lequel avaient été piqués des lances, quoi, des lances de bambou, et on suspendait cela dans les hauteurs de la forêt. Et si les agresseurs arrivaient vers le village, s'ils ne venaient pas vers le village, comme me disaient les paysannes, qui avaient l'air de se justifier devant moi d'avoir fait ce village fortifié, elles disaient, si les méchants ne viennent pas chez moi me voler mes poules et m'embêter et me brûler mon village, s'il reste chez lui, il aura rien. Moi, je lui fais rien, hein. Mais si lui, il vient, s'il marche sur la liane, là, eh ben, ça déclenche le dispositif. Et le billot, qui fait peut-être 50 kilos, je sais pas, va balayer la piste avec ses... Oui. D'où l'attendrisseur de Biftec. D'où la... Oui. Alors, nous étions... Nous allions comme ça... Qui vous accompagnait, là ? C'était une unité de l'armée. La même depuis la frontière ? Non, pas la même, parce que, bon, c'est une guerre de mouvement, bien entendu. Alors, pour faire le reportage, nous étions pris en relais D'équipe en équipe, mais nous avions quand même chacun un garde du corps personnel qui nous avait pris en amitié, qui était des gens très vieux, parce qu'ils avaient le même âge que moi, ils avaient 40 ans. Et c'était très vieux pour la jungle, parce que c'est très vieux puisque les combattants avaient 18-20 ans. Et d'ailleurs, je dirais plus loin, quand j'ai fait la connaissance de l'armée de libération nationale, où nous avons été intégrés sur notre demande à un régiment afin de pouvoir comprendre leur manière de combattre, et nous avons été frappés par l'âge des combattants. Ils avaient tous de 17 à 20 ans. Ce qui prouve à quel point, d'ailleurs, les Vietnamiens, quant à eux, avaient respecté les accords de Genève. Parce que il est évident que ces jeunes gens, ils avaient combien ? 8 ans aux accords de Genève. Ils n'étaient pas des anciens combattants. Hein ? Donc nous avions... Nam était le copain attitré de Burchett. Et moi, j'avais Nye, qui est un vieux paysan de 40 ans. Qui avait déjà 6 enfants. Et nous faisions en général 20 km à pied ou 70 à bicyclette chaque jour sur les pistes de la jungle, ce qui n'est pas... C'est un exploit sportif dont j'avais réussi à me rendre digne par un entraînement intensif que j'avais fait pendant plusieurs mois. J'avais fait un entretien... Non, je vous assure, moi, je suis paresseuse. Je m'étais fait des muscles, là. Surtout après l'affaire d'Orange, j'en avais bien besoin. Et là, ben, j'étais crevée, mais enfin, je faisais comme tout le monde, j'allais. Chaque jour, je découvrais que je pouvais aller. Puisqu'il l'avait fait, je pouvais le faire. N'importe qui peut très bien, sans savoir nager, traverser un fleuve avec 3 noix de coco sèche autour de sa ceinture. Parce que vous ne savez pas nager? Non, je nage très mal, parce que depuis que les Allemands m'ont fait la baignoire, j'étouffe. Alors, bon, n'importe qui, s'il le veut vraiment, il peut passer au-dessus d'un gouffre, sur un pont de singe gluant à 200 mètres de haut. Qu'est-ce que c'est un pont de singe? Un pont de singe, ben un pont de singe, c'est un arbre, quoi. On abat un arbre pour franchir un cours d'eau, pour franchir une gorge profonde. Mais là, personne ne peut vous aider. On ne peut pas se passer à deux, personne ne peut vous tenir. Et ça, c'était la terreur pour moi. Alors, Burchett, il était assez... Il avait déjà l'habitude, et puis... Enfin, ce diable d'homme qui avait fait tous les métiers avant d'être journaliste, c'était un sportif extraordinaire. Enfin, il me disait, mais c'est pas difficile, écoute, tu as qu'à le vouloir, tu n'as qu'à... Tu équilibres bien tes appareils, de telle manière que tu sois comme un funambule, et puis tu passes, et tu regardes pas en dessous, et tu passes. Enfin, tu vas pas te rendre ridicule devant les amis qui sont là, tout de même, bon. Ouais, mais les amis qui étaient là, il y en avait qui étaient comme moi, ils arrivaient de Saigon, ils avaient choisi la liberté en venant dans la jungle, ils étaient profs ou médecins, et ils étaient aussi embêtés que moi quand il fallait passer un pont de singe. Bon. Alors, nier mon vieux paysan de 40 ans, là, m'a sauvé de cette histoire des ponts de singe. Et ça, vraiment, je l'oublierai jamais. Il m'avait regardé avec attention. Il avait vu combien j'avais peur. Moi qui avais couru si allègrement au bord des toits, dans la guerre des toits à Paris, pendant l'insurrection parisienne en 1944, oubliant ma peur, j'étais guérie à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais peur. J'avais retrouvé le sens de la peur, puisque j'étais guérie. C'était affreux. Je voulais bien, mais je pouvais pas, quoi. J'étais complètement bloquée. Et lui prenait mes appareils et passait. Et bon, mais il faisait mieux que ça. Il avait eu cette idée. Il avait pris une liane, des lianes, qu'il avait nouées bout à bout, de sorte qu'il faisait ainsi une faible rampe, quoi, hein, de lianes sèches tout le long du pont. Et il m'expliquait que je n'avais qu'à prendre cette liane comme témoin, quoi, la laisser glisser entre le pouce et l'index rapproché, de façon à ne jamais perdre mon équilibre. Enfin, en tout cas, cette liane, qui n'aurait même pas tenu un moineau, me permettait de passer allègrement les ponts de singe. C'était la liane de la fraternité. C'est surtout ça. La fraternité, nous l'avions compris très vite, étant la loi de la jungle, là-bas. Et aussi parce que une amitié commençait à naître, l'affection avec laquelle nous étions reçus, l'émerveillement de ces paysans qui n'avaient jamais vu une voiture, enfin, qui nous recevaient avec une émotion profonde. Et en se disant, enfin dans le monde, quelqu'un s'intéresse à nous, c'est formidable, c'est formidable. Alors, tout cela nous poussait. Et c'est pourquoi ce reportage allait beaucoup plus loin qu'un simple exploit journalistique. Enfin, ça touchait un moment de l'histoire du monde, quoi, un moment de l'histoire de l'homme, où nous, Burchett et moi, nous avons été les humbles témoins du fait que des hommes et des femmes très pauvres, à qui on avait fait beaucoup de mal et qui étaient parfaitement innocents, étaient capables de se sacrifier volontairement, de donner leur vie. Joyeusement, on disait, mourir pour la patrie, c'est léger comme une plume. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. Édouard Campras, Pascal Bénard, Jean Godel, Maurice Biard, Marie-Christine Closet, Ludovic Cellier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 août 1993. Prochain rendez-vous entre la liane tressée et la preuve.